السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وفي نهاية الحديث قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur ce mois le prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, il y a certes dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, l'ensemble du corps le sera. Et s'il est corrompu, s'il est mauvais, l'ensemble du corps le sera. C'est le cœur. C'est le cœur. Tu comprends de cela, cher frère, que le cœur est la partie du corps qui a la plus grande importance dans le corps humain. Et c'est pour cela que le prophète Ibrahim alayhi salam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin d'avoir un cœur pur. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, le jour où ni argent ni enfant sera profitable, si ce n'est pour celui qui rencontrera Allah avec un cœur saint, avec un cœur propre. Al-Allama ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, le cœur saint, c'est le cœur qui a été purifié de tout politesse, le grand ainsi que le petit, purifié de toute innovation et éloigné des passions. وها نحن في زمن عظمة الغفلة اشتد النسيان وكثرت الذنوب والمعاصي ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإذا عرفت أن صلاح العبد بصلاح القلب يجب عليك يا عبد الله أن تتعلم وصائل إصلاح القلوب ولا أعظم ولا أفضل لإصلاح القلوب من الوحي مما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم، القرآن الكريم أفضل ما يصلح القلوب. Après avoir compris que le membre le plus important en toi était le cœur, après avoir compris que si ce membre était bon, l'ensemble du corps le sera, sache que tu dois en prendre soin. Tu dois en prendre soin. Et nous vivons à une époque où l'insouciance s'est accaparée le cœur de la plupart des serviteurs. Les gens ont oublié pourquoi est-ce qu'ils ont été créés. Les gens se sont éloignés du but pour lequel Allah Azza wa Jal les a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ils sont donc tombés dans les péchés et ont tardé à se repentir, car ils ont une illusion qui est طُولُ الْأَمَلِ. Ils se voient une longue espérance de vie. Tu dois donc chercher, cher frère, les causes qui vont purifier ton cœur afin de sortir de cette insouciance. Et le cœur le plus éloigné de son Seigneur, c'est le cœur dur. القلوب القاسية أبعد ما تكون عن الله تبارك وتعالى. Les cœurs durs ne répondent pas à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les cœurs durs ne répondent pas à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah nous dit dans le Coran, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle. Lorsqu'il vous appelle à ce dans quoi il y a la vie pour vos cœurs. Ou bien ce dans quoi il vous donnera la vie. Et le meilleur rappel pour se soigner, le meilleur rappel pour adoucir ces cœurs durs, est ce qui nous est venu dans le Coran. Et parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité dans le Coran, ce Coran avec lequel les cœurs s'adoucissent, les cœurs se tranquillisent. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Ce Coran comprend tout le bien. Ce Coran est la meilleure guidée. Et un des remèdes qu'Allah nous a mis dans le Coran pour soigner les cœurs durs et pour enlever cette insouciance, dhikrul maut, le fait de se souvenir de notre mort. Le fait de se souvenir de la mort. Nihayatu kulli hayy illa rabbul izzati wal jabarut subhanahu wa ta'ala. Al insu wal jinnu yamutun wa yabqa rabbuna subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, akthiru من ذكر هادم اللذات يعني الموت. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, rappelez-vous souvent celle qui met fin à tous les plaisirs. De quoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle dans ce hadith? De la mort. De la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille et nous oriente à souvent nous rappeler de la mort, car elle coupe tous les plaisirs et elle enlève l'insouciance. Elle nous rappelle la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Elle nous fait penser à nos péchés afin qu'on puisse se rappeler. Elle nous permet de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Car en se rappelant la mort, on se rappelle le retour vers lui, le jugement, le paradis ou l'enfer. Elle nous appelle à le craindre. Et celui qui a peur d'Allah dans ce bas monde, il lui accordera la sécurité dans l'au-delà. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين أو خوفين ولا أمنين فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah le Très-Haut nous dit, ou dit, par ma puissance, ma magnificence, je n'unirai jamais sur mon serviteur entre deux craintes et deux sécurités. S'il se sent à l'abri de moi dans ce bas monde, je lui ferai peur le jour où je réunirai tous mes serviteurs, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala dit, et s'il a peur de moi dans ce bas monde, alors je lui accorderai la sécurité le jour où je réunirai tous mes serviteurs. Le jour où je réunirai tous mes serviteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que le serviteur le plus intelligent est celui qui parle le plus souvent de la mort. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من الأنصار وقال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال أحاسنهم أخلاقا ثم قال أي المؤمن أو أي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا أكثرهم للموت ذكرا. Un homme parmi les Médinois est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, quel est le serviteur, quel est le meilleur serviteur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, celui qui a le meilleur comportement, celui qui a le meilleur comportement. Ensuite l'homme a posé une deuxième question. Ô messager d'Allah, quel est le serviteur le plus intelligent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, celui qui cite la mort le plus souvent. Celui qui parle le plus souvent de la mort. Voici celui qui est le plus intelligent. Akhrajahu Malik fil Muwatta wa Ibn Majah. يقول المفسر يقول المفسر السدي في قول الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أكثرهم للموت ذكرا وله أحسن استعدادا ومنه أشد خوفا وحذرا من اتصف بهذه الصفات فهو الذي أحسن العمل. Un des grands exégètes du Coran explique le verset où Allah Azza wa Jal nous cite que c'est celui qui a créé la vie et la mort pour voir lequel d'entre nous allait le mieux œuvrer. Un des exégètes du Coran a dit, celui qui œuvre le mieux est celui qui se rappelle le plus souvent la mort. Celui qui s'y prépare le mieux est celui qui la redoute le plus. Celui qui la redoute le plus, pourquoi? Car celui qui se rappelle de la mort, cela va couper ses plaisirs. Cela va le détacher de ce bas monde qui n'a aucune valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Même si de jour comme de nuit, tu essayes d'amasser toutes les richesses de ce bas monde. Tu t'occupes de ce bas monde, mais il ne représente rien auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Au point le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si ce bas monde représentait auprès d'Allah ne serait-ce que l'équivalent de l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné une gorgée d'eau aux mécréants. Il n'aurait pas donné une seule gorgée d'eau aux mécréants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, كما خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى لموضع صوت أحدكم في الجنة أو لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله. هذه الدنيا حقيرة ما لها قدر ولا وزن عند الله تبارك وتعالى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'espace d'un petit bâton au paradis. L'espace d'un petit bâton au paradis est mieux que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Subhanallah. Ce bas monde ne représente donc rien. Il n'a aucune valeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: je n'ai que faire de ce bas monde. Je suis à l'image d'un passant ou d'un voyageur qui s'est abrité à l'ombre d'un arbre, qui s'est relevé et qui est parti. Voici l'exemple de ce bas monde. Voici l'exemple de ce bas monde. Et Allah nous dit dans le Coran: Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Allah nous dit dans le Coran: Alhaakumut takathur ay shaghalakum jam'ul amwal wal umur ad-dunyawiyyah al-faniyah. Allah nous dit dans le Coran: la course aux richesses vous ont distrait de ce pourquoi vous avez été créé, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Et remarquez comment Allah Azza wa Jal a cité Az-ziyara hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Il a appelé cela une visite, car après cela il y a une suite: tu seras ressuscité, tu seras jugé, et après il y aura une partie qui entrera au paradis, ja'ana Allahu wa iyyakum min ha'ula, et il y aura une partie qui entrera en enfer, wa na'udhu billahi an nakuna ma'a ha'ula. Nous devons donc nous arrêter un instant, méditer et faire nos comptes, ce qu'on appelle muhasabatun nafs. Cher frère, j'ai une question à te poser. À quand remonte la dernière fois où tu étais assis, où tu t'es assis entre toi et tes actions? À quand remonte la dernière fois où tu as fait tes propres comptes, où tu as regardé ce qui était pour toi et ce qui était contre toi? À quand remonte la dernière fois où tu t'es assis pour te poser la question: est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui m'a créé à partir de rien, celui qui m'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour m'enseigner ma religion, celui vers qui je vais revenir après ma mort, est satisfait de moi ou pas? À quand remonte cela? Et si tu ne te poses pas la question, sache que tu seras questionné yawm al-qiyam. Qala rabbuna subhanahu wa ta'ala fi kitab al-karim: ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car certes, Allah est parfaitement connaisseur et parfaitement au courant de ce que vous faites. Ton Seigneur t'ordonne dans ce verset, par miséricorde pour toi, de faire tes propres comptes, avant que cela ne soit fait, le jour où tu seras ramené vers Allah subhanahu wa ta'ala, avant que tu ne puisses plus agir, avant qu'on prie sur toi, qu'on t'enterre et qu'on t'abandonne dans ce trou. Et les vieux prédécesseurs avaient l'habitude de faire leurs comptes. Certains parmi eux passaient des nuits entières à se poser cette question. Subhanallah. Des nuits entières à se poser cette question. Et un homme parmi les plus prédécesseurs, régulièrement, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Subhanallah. Il n'arrivait pas à dormir, il se tournait et se retournait dans son lit. Ensuite, il se levait. فتسأله ابنته يا أبتي ما لك لا تنام والناس نيام فيجيبها يا بنتي شغلني ذكر الموت عن النوم Ya binti, shalani, dhikrul maut. Dhikrul maut anil naum. Sa fille lui demandait, lui disait, oh mon cher père, comment se fait-il que tu ne dors pas alors que tout le monde dort à cette heure-ci? Il répondait à sa fille, il répondait à sa fille, le rappel de la mort m'a empêché de dormir. كان يزيد الركاشي يقول ويحك يخاطب نفسه ويحك يا يزيد من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت ويحك يا يزيد من يصوم من ذا الذي يصوم بعد الموت ثم يصيح أيها الناس أيها الناس ألا تبكوا ألا تبكوا لأنفسكم بقية حياتكم من الموت أو بقية حياتكم من الموت موعده والقبر بيته والثرى فراشه والدود أنيسه وهو مع هذا منتظر الفزع الأكبر منتظر الفزع الأكبر كيف حاله ثم يبكي حتى يسقط ثم يبكي حتى يسقط مغشيا عليه. Un homme qui s'appelle Yazid, un des pieux prédécesseurs, disait, en se parlant à lui-même, il se parlait à lui-même, « Ô Yazid, malheur à toi, qui est-ce qui va prier pour toi après ta mort? Qui est-ce qui va jeûner pour toi après ta mort? Qui est-ce qui va rechercher l'agrément d'Allah pour toi après ta mort ?» Ensuite, il élevait sa voix et disait, « Ô vous les gens, n'allez-vous donc pas pleurer sur votre sort le temps qu'il vous reste? Celui dont la mort est le rendez-vous, celui dont la tombe est la maison, celui dont la terre sera le lit, celui dont les vers seront la compagnie. Et avec tout cela, il attend l'heure de la fin du monde. Ensuite, il se mettait à pleurer longuement jusqu'à ce qu'il s'évanouissait. Rahimahullahu ta'ala. يقول التيمي رحمه الله تعالى شيئان قطع علي لذة الدنيا ذكر الموت والوقوف بين يدي الله التيمي disait il y a deux choses qui m'ont coupé tous les plaisirs de ce bas monde. La première chose, c'est le rappel de la mort. Et la deuxième chose, c'est la peur de comparaître devant Allah. Yaqulu Abu Nu'aym rahimahullah ta'ala, kana Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, idha dhakara al-maut لا ينتفع منه أياما وإذا سأل عن مسألة قال لا أدري. أبو نعيم رحمه الله تعالى نجي الإمام سفيان الثوري lorsqu'il se rappelait la mort on ne pouvait plus rien tirer de lui. C'était un grand savant du hadith et lorsqu'on venait lui poser une question il disait je ne sais pas. On ne pouvait plus prendre la science de lui. Dès qu'il se rappelait la mort il ne voulait plus rien dire, il ne voulait plus qu'on lui parle, et lorsqu'on lui posait une question, il disait « je ne sais pas ». هؤلاء السابقون تأثروا بذكر الموت لأن قلوبهم كانت حية. Les pieux prédécesseurs ont été affectés par le rappel de la mort, cela car leur cœur était vivant, mais nous nos cœurs sont sales, nos cœurs sont durs. Nos cœurs se sont éloignés d'Allah Azza wa Jal et cela dû à nos nombreuses désobéissances. Et lorsqu'on nous fait un rappel, on ne se rappelle pas. Lorsqu'on nous appelle à revenir vers Allah Azza wa Jal, on tarde à revenir vers lui. on tarde à revenir vers lui. Et parmi les causes qui adoucissent les cœurs, parmi les causes qui soignent le cœur, ziyaratul qubur, ziyaratul qubur. Parmi les causes qui soignent les cœurs, le fait de visiter les tombes, le fait de visiter les cimetières. Akhraja l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala min hadith, Abi Huraira radiallahu anhu, anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, zara qabra ummih, thumma baka, وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في الاستغفار عن أمي فلم يأذن لي ثم استأذنته في زيارة قبرها فأذن لي بذلك ألا زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité sa mère au cimetière et il s'est mis à pleurer et a fait pleurer ceux qui étaient autour de lui, c'est-à-dire les compagnons. Ensuite il a expliqué cela en disant à ses compagnons: j'ai demandé la permission à mon Seigneur de demander pardon pour ma mère et il m'a interdit cela car elle n'est pas morte sur l'islam. Ensuite, je lui ai demandé la permission de la visiter, c'est-à-dire de la visiter au cimetière, et il m'a donné la permission. Il s'est mis à pleurer longuement et a fait pleurer tous ceux qui étaient autour de lui. Ensuite, il a dit aux compagnons: visitez les cimetières, car cela vous rappelle l'au-delà. Donc parmi les choses qui adoucissent le cœur, parmi les recommandations qu'on nous a données, le fait de visiter les cimetières. Tu visites les cimetières pour deux sagesses. La première, te rappeler le moment où toi, tu seras celui qu'on viendra visiter dans cette tombe, pour te rappeler la mort. La deuxième chose, la deuxième sagesse, pour faire dua pour les morts. Voici la visite qui est légiférée. Il y a deux autres types de visites. Ziyaratu shirkiyya. Le polythéisme, cela consiste à aller au cimetière et invoquer les morts, ou donner un droit d'Allah Azza wa Jal à autre que lui, wal'iyadu billah, ce qu'on appelle al-ishrak ou billah, et c'est le pire péché, le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Inna shirka la dhulmun azim. Il y a un autre type de visite, c'est ziyaratul bid'iyya. Cela consiste à aller au cimetière et à invoquer Allah Azza wa Jal au cimetière en ayant comme croyance que c'est un endroit plus propice à cela. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة والصحابة قد دفنوا ميتا فوقف أمام القبر ثم بكى طويلا صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour est parti au cimetière. Il a trouvé les compagnons qui avaient enterré un de leurs compagnons. Il s'est tenu debout devant la tombe et il s'est mis à pleurer au point où son visage était rempli de larmes. Puis sa barbe s'est remplie de larmes. Puis il a dit aux compagnons: Ya ikhwani, limith li hadha fa'a'iddu. Ya ikhwani, limith li hadha fa'a'iddu. Ensuite il a dit aux compagnons: oh mes frères, pour cela, pour ce jour, pour ce moment, préparez-vous. إذن الاستعداد للموت سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين بعده. Donc le fait de se préparer à la mort est la tradition du prophète صلى الله عليه وسلم. Et c'est ainsi qu'étaient ses compagnons. Mais subhanallah, au jour d'aujourd'hui, lorsque tu regardes les gens qui vont au cimetière, lorsqu'il y a une salat jinaza, comment est-ce que les gens se comportent? Wallahi qu'on a vu de nos propres yeux des gens plaisanter au cimetière. Mahadi al-qulub al-qasiya. Les gens plaisantent au cimetière. Les gens s'amusent au cimetière alors qu'ils vont pour enterrer un de leurs frères. Ou bien ils pleurent quelques minutes et en sortant du cimetière ils repartent dans leur péché. Ce sont des cœurs durs, plus durs que la pierre. Plus durs que la pierre. Et parmi les pierres, il y en a qui se fendent pour laisser sortir l'eau. Il faut donc que ton cœur s'adoucisse, cher frère. Il faut que ton cœur s'adoucisse. كفاك ضاحكا ليلا ونهارا كفاك لعبا لم تخلق لذلك لم تخلق لذلك. Nous avons assez ri, nous avons assez joué, nous n'avons pas été créés pour cela, nous n'avons pas été créés pour cela. Sans aucun doute c'est permis de plaisanter de temps à autre, mais de là à rigoler du matin au soir, de là à rigoler avant les adorations et après les adorations, subhanallah, comment tu expliques qu'après Al-Taslim tu peux plaisanter directement? Comment tu expliques que juste avant Takbiratul Ihram tu arrives à plaisanter avec tes frères? Comment tu expliques qu'après Al-Taslim tu arrives à te disputer avec tes frères? C'est que ton cœur n'est pas vivant comme il le devrait. C'est que ton cœur n'est pas réveillé comme il le devrait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la prière disait wa sallu salata muwadda'in. Priez la prière de quelqu'un qui fait ses adieux, de quelqu'un qui va mourir après cette prière. Subhanallah, si tu savais que c'était ta dernière prière, dans quel état est-ce que tu serais? Sans aucun doute, tu prierais cette prière avec la plus grande tranquillité, avec le plus grand recueillement, car tu sais que tu vas revenir vers Allah Azza wa Jal après le taslim. C'est comme cela que nous devons entrer dans nos prières. Uthman radiallahu anhu, lorsqu'il se tenait devant une tombe, il pleurait énormément. On lui disait « Tadkurul jannata wa nar wa la tabki » وَتَذْكُرُ الْقَبْرُ تَبْكِي بُكَاكَ هَذَا. On dit, on a dit à Omar, à Othman, pardon, comment se fait-il que lorsque tu parles du paradis et l'enfer, tu ne pleures pas? C'est-à-dire, tu ne pleures pas de la sorte. Mais lorsque tu te tiens devant une tombe, ou lorsqu'on parle de la tombe, tu pleures de la sorte. Il a expliqué cela en disant, سَمِعْتُ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Inna al-qabr awwal manazil al-akhirah. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire la tombe est la première étape de l'au-delà. Si cette étape se passe bien, tout ce qui se passera après sera plus facile. Et si ça se passe mal, tout ce qui se passera après sera plus difficile. Il se mettait à pleurer, radiallahu anhu, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonçait la bonne nouvelle de son vivant plus d'une fois. Mais c'est ainsi qu'il craignait Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se rappelle de la mort demandera pardon à Allah pour ses péchés. Il demandera pardon à Allah pour ses péchés. Qala rabbuna subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna 'allakum tuflihun. وقال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله nous dit dans le Coran, et repentez-vous, ô serviteurs, et repentez-vous tous à Allah afin que vous récoltiez le succès. Et Allah nous dit également dans son livre, dit, ô vous mes serviteurs, qui avez commis de nombreux excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car certes Allah est celui qui pardonne l'ensemble des péchés, c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Parmi les causes qui vont adoucir ton cœur et te rappeler l'au-delà, majalisu dhikr wa talibul ilm ash-shar'i. Parmi les plus grandes causes qui vont adoucir ton cœur et t'enlever cette insouciance, l'apprentissage de ta religion. L'apprentissage de ta religion et le fait d'assister aux assises de science, d'assister aux assises de science, aux conférences, de prendre des cours, d'apprendre sa religion, d'écouter les exhortations, celles qui sont basées sur le Coran et la Sunna, ainsi que les paroles des pieux prédécesseurs. Dans cela, il y a tout le bien. Ceci est un chemin qui mène vers le paradis. Ceci est un chemin qui enlève l'insouciance. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, par ce chemin Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Celui qui assiste à ses assises, son cœur s'adoucira. Il craindra Allah Azza wa Jal car il va mieux le connaître. Innama yakhshallaha min ibadi al-ulama. Allah nous dit dans le Coran, les seuls qui craignent véritablement Allah sont les savants. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, لو تعلمون ما أعلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولبكيتم كثيرا فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم أنين أي صوت تخرج من الخيشوم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui connaissait le mieux Allah, celui qui se rappelait le plus Allah, celui qui évoquait le plus Allah. C'est pour cela qu'il était celui qui craignait le plus Allah. Il dit aux compagnons, si vous saviez ce que je sais, si vous saviez ce que je sais, vous ririez bien moins et vous pleuriez bien plus. Vous avez entendu ce hadith, chers frères? Dans quel état est-ce que vous êtes? Voici notre état. Voici mon état et voici le vôtre. Maintenant, je vais vous dire l'état des compagnons lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si vous saviez ce que je sais, c'est-à-dire ce qui vous attend après la mort, ce qui vous attend dans votre tombe, ce qui vous attend yawm al-qiyam, ce qui vous attend pour le jugement, si vous saviez la description de l'enfer, si vous aviez vu l'enfer, vous ririez bien moins et vous pleuriez bien plus. Ensuite, celui qui rapporte le hadith nous dit, les compagnons ont couvert leur tête, ils se sont mis à pleurer et on entendait le son qui sortait de leur nez. Voici la réaction de celui qui a un cœur vivant. Quand on lui rappelle la mort, il pleure, son cœur bouge, sa peau frémit et ses larmes coulent. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a décrit les croyants qui ont le cœur vivant dans le Coran. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Allah nous dit dans le Coran, les véritables croyants sont ceux qui, lorsqu'on parle d'Allah, leur cœur bouge. Leur cœur bouge. Et lorsqu'on leur rappelle ces signes, leur foi augmente. Et dans d'autres versets, il nous dit, lorsqu'ils entendent le rappel, leurs larmes coulent. Et dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite la mort et ce qui attend les gens après la mort. Nous devons donc nous préparer. Al-Qa'qa Ibn Hakim nous dit, Ista'adtu lil maut mundu 30 sana. Subhanallah. Un des pieux prédécesseurs nous dit, ça fait 30 ans que je me prépare à la mort. Ça fait 30 ans que je me prépare à la mort. Et un homme a visité Sufyan al-Thawri et lui a dit, Kaifa haluka? Kaifa haluka? Comment est-ce que tu vas? Il lui a répondu, comment est-ce que je vais? Comment est-ce que je me sens? Je me sens comme un homme qui attend la mort et qui ne sait pas comment est-ce que ça va se passer et qui ne sait pas ce sur quoi il va mourir. Un homme, il a vu un homme dans la mosquée qui lui a dit, ça fait 30 ans que je suis dans cette mosquée et j'attends juste que la mort me vienne. Ça fait 30 ans que je fréquente la mosquée et j'attends juste le moment où la mort me viendra. Parmi les causes qui adoucissent le cœur, le fait d'assister au dernier moment d'un homme qui est en train de mourir. Le fait d'assister au dernier instant de la vie d'une personne. Al-Hassan al-Basri a visité quelqu'un qui était malade. Il était en train de décéder. Il était dans les affres de la mort. Lorsque Al-Hassan a vu cela, lorsqu'il a vu la difficulté qui était en train de toucher cet homme, son visage a changé de couleur. Son visage a changé de couleur. Puis il est rentré chez lui. فَقَالَتْ لَهُ أَهْلُهُ الطَّعَامُ. Lorsqu'il est entré chez lui, son épouse lui a dit, le repas est prêt. Le repas est prêt. فَقَالَ الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَمَا أَنْ تَأَثَّرَ بِشِدَّةِ مَا رَأَى قَالَ عَلَيْكُمْ بِطَعَامِكُمْ وَشَرَابِكُمْ فَإِنِّي شَهِدْتُ مَنْظَرًا لَا أَزَلُ أَشْتَغِلُ لِأَجْلِهِ حَتَّى أَلْقَى. الْحَسَنُ الْبَصْرِ. Lorsqu'il est entré chez lui, son épouse lui a dit, le repas est prêt. Il lui a dit, mangez-vous, vous mangez et buvez. Pour ma part, la qad ra'aytu shay'an, j'ai vu une chose, la azalu a'malu lahu hatta alqa. Je viens de voir une chose, je ne cesserai de m'y préparer jusqu'à sa rencontre. La mort, la mort. Il n'arrivait plus à manger, il n'arrivait plus à boire. Certaines personnes disaient que lorsqu'on se rappelait la mort, on ne se reconnaissait même plus nous-mêmes. Et nos épouses ne nous reconnaissaient plus. On ne se reconnaissait plus nous-mêmes. Et nos épouses ne nous reconnaissaient plus. Certains n'arrivaient même plus à approcher leurs épouses, subhanallah. Ils n'arrivaient même plus à approcher leurs épouses parce qu'ils pensaient constamment à l'au-delà et à cet instant. Au point où certains savants ont dit « Wa min rahmatillahi bil ibad » أن جعل لهم قدرا من الغفلة فإلا لما طابت عيشهم. Certains savants disent par la miséricorde d'Allah sur ses serviteurs qui leur a donné un petit peu d'insouciance, sinon ils n'auraient pas pu vivre sur ce bas monde et ils n'auraient pu goûter à aucun délice, car le rappel de la mort aurait enlevé tout cela. Car le rappel de la mort aurait enlevé tout cela. وَلَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شِدَّةَ الْمَوْتِ فِي الْقُرْآنِ فِي أَرْبَعِ آيَاتِ. Et Allah Azza wa Jal a décrit la mort et les affres de la mort et l'agonie dans quatre versets du Coran. Il nous dit وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Et les affres de la mort ou l'agonie de la mort apparaît, voici ce dont tu fuyais. Il nous dit également وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des injustes lorsque les affres de la mort se présenteront à eux et que les anges viendront pour arracher leur âme. L'ange de la mort viendra pour arracher son âme, accompagné des anges du châtiment. Dans un troisième verset, Allah nous dit وَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ. Allah nous cite lorsque l'âme commence à sortir et qu'elle atteint le plus haut de la gorge. Il nous dit également كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit encore cela. Ça c'est le moment, cher frère, où tout le monde va chercher pour toi un médecin, où tout le monde va faire dua pour toi. C'est le moment où les gens vont avoir la certitude qu'ils vont se séparer de toi. C'est le moment où ton épouse sera à ton chevet, elle ne fera que de pleurer. C'est le moment où ta fille s'accrochera à toi et dira « Papa », elle t'appellera. C'est le moment où ton fils viendra s'accrocher à toi pour dire « Papa, papa », mais personne ne pourra rien pour toi. Tes amis vont se rappeler de toi. Tes amis vont te visiter. Certains vont essayer de te faire ruqya. D'autres vont ramener les médecins. D'autres vont ramener des imams pour faire ruqya, pour savoir comment se comporter, quoi faire. D'autres vont venir pour faire la sunna, te rappeler Allah, te citer tes bonnes actions, faire en sorte que tu aies radia, l'espoir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Amsikul awlad » Retenez vos enfants. Allah ذهب عني كما قال ربنا سبحانه وتعالى فتنة الحمد لله أسأل الله يصلح هذين الولدين وأن يجعلهما هداة مهتدين هذا خير لنا ولهما ماذا كنت أقول يا صادق نعم Parmi les sunan, au moment de mourir, le fait de rappeler à celui qui est en train de mourir la bonne opinion de son Seigneur, lui rappeler ses bonnes actions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yamutanna ahadan ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah » qu'il a dit cela trois nuits avant de mourir, comme c'est venu dans un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que personne d'entre vous ne meurt si ce n'est en ayant une bonne opinion d'Allah. Donc, tu dis à tes enfants, subhanallah, ajib. Allah, je regardais les enfants, mon aql il est parti en temps. Allah, sadaq Allah. Fitna. Tayyib. Kama qulta ya ammi, la hawla wa la quwwata illa billah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Tayyib. Lorsque la personne est en train de mourir, rappelle-lui ses bonnes actions. Rappelle-lui le bien qu'elle a fait dans ce bas monde. Rappelle-lui la vasteté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'au moment où il meurt, il pense que du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'il espère rencontrer son Seigneur. Rappelle-lui cela. Et certains parmi les plus prédécesseurs, au moment de mourir, ont appelé les savants. Et leur ont dit, « Zakiruni bi ahadithi rukhas » Rappelez-moi les hadiths qui montrent la douceur d'Allah, la miséricorde d'Allah, afin de mourir avec une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith sur cela est le hadith dans Sahih Muslim, le hadith de Jabir, rahimahullahu ta'ala. Aisha radiallahu anha nous parle de la difficulté du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de mourir. Elle nous dit... radiallahu anha comme l'imam al-Bukhari a rapporté كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده في ركوة أي في إناء صغير au moment de mourir le prophète sallam avait un petit récipient à côté de lui il rentrait sa main dans le récipient ويمسح وجهه il rentrait sa main dans le récipient mouillait sa main et il s'essuyait le visage Et disait La ilaha illallah, inna lil mawti sakarat. La ilaha illallah, inna lil mawti sakarat. Thumma nasaba yadah, wa qala fi al-rafiq al-a'la, fi al-rafiq al-a'la. Thumma kharajat ruhuh, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha nous décrit le dernier instant de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit qu'il avait un récipient à côté de lui et il souffrait. Fatima, radiallahu anha, lorsqu'elle est rentrée, a vu son père dans cet état. Elle a dit « Ya wa karba'a » Wa karba abata, oh combien mon père souffre, combien est élevée la souffrance de mon père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, ton père ne souffrira plus après ce jour. Et Ali, ma fin est proche. Puis Aïcha a dit, il a mis sa main dans un récipient et essuyé son visage. Il mettait de l'eau, il essuyait son visage. Et il disait, nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée en dehors d'Allah. Certes la mort a des affres, certes la mort a ses affres, certes la mort est difficile. Ensuite il a levé sa main et a dit au plus haut, puis son âme est sortie. Voici les dernières paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha a dit, je n'ai plus aucune envie de voir quelqu'un mourir avec facilité après la difficulté que j'ai vue, après la difficulté qui a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de mourir. Je n'enverrai plus personne qui meurt avec facilité après ce que j'ai vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi les sunan, le fait de rappeler à celui qui est en train de mourir, le fait de dire la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait cela aux gens. Et il visitait les gens, même les non-musulmans, au moment de mourir pour leur faire dire la ilaha illallah. Comme le jeune juif qui travaillait pour lui, au moment de mourir lorsqu'il était malade, il est parti le visiter et lui a dit Qul la ilaha illallah, dis la ilaha illallah. Alors le juif a regardé son père lui a dit Ati' Abul Qasim. Obéis à Abul Qasim, obéis au prophète, c'est-à-dire obéis au prophète. Alors il a dit la ilaha illallah, il s'est converti à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et a dit Alhamdulillah, alladhi najjahu minan nar. Alhamdulillah, alladhi najjahu biya minan nar. Loué soit celui qui l'a sauvé du feu par ma cause. Chers frères, imagine cette situation. Tes derniers instants. Tu es allongé. Tu es malade. Ta partie inférieure ne répond plus. Tu ne peux plus bouger tes membres. Tu ne peux plus bouger tes membres. Tu ne peux plus marcher. Tu ne peux plus manger tout seul. Tu ne peux plus accomplir, effectuer tes besoins tout seul. Et il y a tous tes proches autour de toi. Ensuite, tu n'arrives plus à lever tes mains. Puis, on te parle et tu as du mal à répondre. Par la suite, tu n'arrives plus à répondre. Tu entends tout ce qu'on te dit, mais tu ne pourras plus répondre. Et il n'y a que tes yeux qui obéissent. Il n'y a que tes yeux qui obéissent. Et tout le monde est autour de toi en train de pleurer. Ce moment te touchera. Et la mort vient de manière inattendue. Elle vient de manière inattendue. Si seulement on avait su quand est-ce que la mort se présentera à nous, on aurait pu repousser le repentir. On aurait pu repousser les bonnes actions. Mais wallahi que personne d'entre nous ne sait le moment où il mourra. Ensuite, l'ange de la mort se présente à toi. Et tu vois une chose que tu n'as jamais vue. Tu vois une chose que tu ne peux pas repousser d'une seconde. Tu vois une chose, tu savais que ça allait arriver, mais tu étais insouciant. Tu avais mal au cœur. Tu étais malade du cœur. Cet ange se présente à toi suite à l'ordre d'Allah. Et il sera accompagné d'un groupe d'anges. Si tu es quelqu'un de bien, il sera accompagné des anges de la miséricorde. Il viendra. On t'annoncera la bonne nouvelle. Et tu auras peur. Tu auras peur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre des anges. L'ange de la mort va venir et retirer ton âme. Elle va sortir vers le haut. Et il sera accompagné par les anges de la miséricorde. Et ton âme va sortir comme l'eau sort de l'outre. Mais si c'est une mauvaise âme, alors l'ange de la mort sera accompagné des anges du châtiment. فَتُنْزَعُ مِنْهُ نَزْعًا شَدِيدًا. On va lui arracher son âme. Comme on arrache l'aiguille de la botte de paille ou de laine. Et il va souffrir énormément. Et il y aura avec lui les anges du châtiment. Lorsque les compagnons ont entendu cela, ils ont eu peur. Aïcha radiallahu anha, notre mère, cette femme pieuse, cette femme pure, a eu peur. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la suite. Lorsqu'on va t'enterrer, lorsqu'on va te laver, on va passer l'eau sur ton visage, on va te faire l'aube, ensuite on va te faire le rossi, ensuite on va te ramener au cimetière et les gens vont marcher derrière toi en pleurant. On va creuser un trou et tu seras posé en attendant de rentrer dans ta demeure. Chaque jour tu rentres et tu t'allonges sur ton lit, mais demain tu auras en guise de lit la terre. Chaque jour tu rentres et tu t'assis à côté de ton épouse. Mais dans l'au-delà, ta compagnie seront les vers de terre qui sont dans la terre. Dans ce bas monde, lorsque tu te sens seul, tu vas trouver tes amis et ta famille. Mais dans ce trou, tu seras seul et personne ne pourra venir t'aider. Ensuite, ils vont te faire descendre dans ce trou. Ils vont te faire descendre dans ce trou. Puis, les gens que tu aimais le plus vont jeter sur toi la terre. Ils vont jeter sur toi la terre. Ensuite, ils vont repartir après avoir fait de l'abord. À ce moment-là, tu vas entendre leurs pas. Tu vas entendre leurs pas et ils vont repartir. Lorsque tu es venu au cimetière, tu as été accompagné de trois choses. Ta famille, tes richesses et tes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a deux choses qui vont revenir. Ta famille et tes biens. Et il y a une seule chose qui va rester. C'est quoi ? Tes actions. Tous ceux qui t'aiment, tous ceux que tu aimes, tous ceux que tu fréquentes et avec qui tu restes, tous ceux que tu fais devancer devant Allah Azza wa Jal, Wallahi qu'ils vont t'abandonner ce jour-là. Wallahi qu'ils vont t'abandonner ce jour-là. Ton épouse, elle va se remarier. Tes amis vont t'oublier. Ton argent, on va l'hériter. Qui sera alors ton meilleur ami? Quelle est la meilleure chose? Quel est le meilleur compagnon? Wallahi alladhi la ilaha ghayruh. Ce sont les bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne restera que les bonnes actions avec lui. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'étreinte de la tombe. Dhammatul qabr. Personne ne pourra y échapper. Ta tombe se resserre. Et ça fait très mal à la personne. Et si une personne aurait pu y échapper, ça aurait été qui? Sa'd ibn Mu'adh. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Savez-vous qui est Sa'd ibn Mu'adh? C'est celui dont le prophète au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Sa'd ibn Mu'adh est mort, i'tazza 'arshur rahman, le trône du tout miséricordieux a bougé. La ilaha illallah. Et malgré ça, il a eu l'étreinte de la tombe. Qui est-ce qui, donc, après lui, pourra y échapper? Après cela, dans le hadith d'Al-Bara ibn Azib, عند Ahmed wa Tirmidhi wa ghayrihima, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a deux anges qui viennent. Fayujlisan. Ensuite, ils le font s'asseoir. Ils le mettent en position assise. Et ils lui disent, Men Rabbuk, qui est ton Seigneur? Le croyant répond, Rabbi Allah. Ma dinu, quelle est ta religion? Le croyant répond, Dini al-Islam, ma religion c'est l'Islam. Ensuite on lui dit, Wa mada taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Et que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Il répond, Huwa Muhammadur Rasulullah. On lui dit, Kayfa arafta dhalik, comment est-ce que tu as su cela? Il dit, Qara'tu. Il dit, j'ai lu et j'ai cru. Alors on entend une voix qui dit, An sadaqa abdi, mon serviteur a dit la vérité. Mon serviteur a dit la vérité. Alors son âme monte. Les anges la prennent. Son âme monte. Ou bien c'est avant ça? C'est avant, lorsqu'on retire son âme. Si c'est une bonne âme, l'ange de la mort la retire et les anges de la miséricorde l'accompagnent et elle monte vers le ciel. Et il n'y a pas un passage, il n'y a pas un endroit où il y a des anges sans qu'ils ne disent « Mais qui est cette bonne âme ?» Et cette âme a une bonne odeur. Et ils se concurrencent pour porter cette âme. Et ils arrivent au premier ciel de ce bas monde. Et on demande la permission à ce qu'il soit ouvert. Et on ouvre ce ciel. Ensuite ils montent au deuxième. On demande la permission. On ouvre le deuxième ciel jusqu'au septième ciel. Ensuite Allah Azza wa Jal ordonne aux anges de remettre son âme dans son corps, dans sa tombe. On lui dit, et on dit aux anges, ouvrez-lui une porte vers le paradis. Et faites-lui venir l'odeur du paradis. Et tapissez sa tombe du paradis. Et montrez-lui la place qu'il aurait eue en enfer s'il n'avait pas été croyant. Alors on lui montre l'enfer. Et on lui montre la place qu'il aurait eue. Puis on lui dit, voici la place qui t'attend, et on lui montre chaque jour. Lorsqu'il voit la place qu'il attend au paradis, il dit, Rabbi aqim sa'a. Oh mon Seigneur, fais que l'heure sonne afin que je revienne à ma famille et à mes biens. Il voit un beau visage. Il voit une chose magnifique. Il dit, mais qui es-tu? Ton visage est le visage qui vient avec le bien et la bonne nouvelle. Alors, cette chose qui a cette belle apparence répond, Ana amaluka salih. Moi, je suis tes bonnes actions. Allah va représenter les bonnes actions du serviteur. Hein? Avant de mourir, tu vois ta vie défiler devant toi, tu vois tes bonnes actions, tes prières. Lorsque tu étais au masjid en train de saler salat, lorsque tu étais pendant le ramadan en état de jeûne, lorsque tu coupais le jeûne avec les frères à la mosquée, lorsque tu faisais taraweh, lorsque tu étais au hajj, lorsque tu faisais tawaf, lorsque tu étais debout à Arafat et que tu levais tes mains en invoquant Allah Azza wa Jal qu'il te pardonne tout ton passé, lorsque tu restais auprès de ta mère, lorsque tu te levais dans les ténèbres de la nuit pour invoquer Allah Azza wa Jal, tu te rappelles de tout ça. Ben voici comment Allah Azza wa Jal a représenté tout ça. Un visage magnifique. Il dit, je suis tes bonnes actions. Wallahi, je t'ai toujours connu. Ensuite il dit, je t'ai toujours connu, motivé dans le bien. Tu t'empressais dans les bonnes actions. Et tu étais l'homme face à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne le pécheur, ou bien en ce qui concerne al-fadir, ou al-munafiq, l'hypocrite ou le pervers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, deux anges vont venir. Ils vont le faire s'asseoir. Et ils ont avec eux une matraque. S'ils avaient mis un coup sur une montagne, cela serait devenu que poussière. Il lui pose la question. Men Rabbu, qui est ton Seigneur? Il répond, alors qu'il est tout seul dans ce trou noir, alors qu'il a peur, alors que sa famille l'a quitté, ses biens l'ont quitté, et que les gens sont en train de partager son héritage. Il répond, Ha'in ha'in na'adri. Il a peur et il dit, je ne sais pas. On lui dit, ma dinuk? Il répond, ha'in ha'in na'adri, je ne sais pas. On lui dit, ma da taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Il répond, ha'in ha'in ha'in na'adri, sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultu. Il répond, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose, j'ai répété la même chose. On lui dit, ma qara'ta wa la talawt? Tu n'as donc pas lu? Tu n'as donc pas appris? Alors on lui met un coup. On lui met un coup et son âme se répand dans son corps. On resserre sa tombe et c'est sa cage thoracique ou bien ses côtes se croisent. Et lorsqu'on lui a retiré son âme, lorsque l'ange de la mort lui a retiré son âme, il est accompagné des anges du châtiment. Son âme avait une odeur nauséabonde. Et les anges disaient, mais qui est cette âme qui sent mauvais? Et il l'appelle par les plus mauvais noms qu'il avait dans ce bas-monde. Et on monte avec son âme. Et on demande la permission à ce que le ciel de ce bas-monde soit ouvert et on refuse cela. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité, La tufattahu lahum abwabu sama'i wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalja al-jamalu fi sammi al-khiyat. On ne leur ouvrira pas les portes des cieux. Et ils n'entreront pas au paradis tant que le chameau n'entrera pas dans le chat de l'aiguille. Tant que le chameau n'entrera pas dans le chat de l'aiguille, ils ne rentreront pas au paradis. C'est-à-dire jamais. Ensuite, Allah va dire, Uktubu kitab abdi fi sijjil fil ardi soufla. Inscrivez le livre de ce serviteur-là au plus profond des terres. Ensuite, on va jeter son âme. Du ciel, on va jeter son âme vers le bas. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Wa man yushrik billahi fakannama kharra min as-samaa' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset où Allah azza wa jalla nous cite la situation de l'associateur qui a associé Allah. Et celui qui donne des associés à Allah, c'est comme s'il était tombé des cieux et que les oiseaux le happaient ou qu'il était propulsé dans un vent. Ensuite, on va remettre son âme dans son corps. Et c'est à cet instant-là qu'il sera questionné. Et que les anges vont lui demander: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu sur ce prophète? Il n'arrivera pas à répondre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui ouvrir une porte vers le paradis. On va lui dire: voici la demeure que tu aurais eue si tu avais été croyant. Subhanallah. Voici la demeure que tu aurais eue si tu avais été croyant. Et sa tombe va se resserrer sur lui. Ensuite, on va ordonner à ce que le souffle de l'enfer lui parvienne dans sa tombe. Et on va tapisser sa tombe de l'enfer. Et on va lui montrer sa place qui l'attend en enfer. Et à ce moment-là, il dira: Rabbi la tuqimissa. Ô mon Seigneur, fais que l'heure de la fin du monde ne retentisse pas. Fais que l'heure de la fin du monde ne retentisse pas. Tout cela peut appeler certains à se dire: comment est-ce qu'on va être sauvé de ce moment qui est terrible? Comment est-ce qu'on va être sauvé de ce moment qui est terrible? Ya akhal islam, i'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-asma'ul husna was-sifatul 'ula wa min asma'ihi tabaraka wa ta'ala ar-rahmanur rahim al-ghafur arhamur rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala a des noms, celui qui les médite le connaîtra. Parmi ces noms, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le très miséricordieux. C'est celui qui a la miséricorde vaste, celle qui englobe toute chose. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé sans miséricorde. Il en a fait descendre une sur terre. Par cette miséricorde, les gens se font miséricorde les uns les autres. Et par cette miséricorde, l'animal sauvage fait miséricorde à son petit. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoute ça mon frère, a dit, il a gardé les 99 autres miséricordes pour le jugement dernier, pour les croyants. Allahu Akbar. هذه هي رحمة الله سبحانه وتعالى التي خلقها فما ظنك برحمته صفة. Ça c'est une miséricorde qu'Allah a créé. Et Allah lui c'est le tout miséricordieux. Il y a comme attribut qu'il n'est pas créé الرحمة. Allah c'est التواب, le grand accueillant au repentir. C'est le غفار, celui qui pardonne les péchés de son serviteur. Lui qui pardonne les péchés de son serviteur et qui ne cesse de le pardonner. Donc demande pardon à Allah et il te pardonnera. Al-Shaytan veut que tu désespères de la miséricorde d'Allah. Il dit dans un hadith: Wa izzati, wa izzatika wa jalalika ya Rabb, la abrahu, ay la azal. أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في صدوره فأجاب ربنا تبارك وتعالى وتقدست أسماؤه وعلت صفاته وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم Madame Mustafarouni. Subhanallah. Subhanallah. Al-Shaytan, comme c'est dit dans le hadith sahih, a dit à Allah, par ta puissance, ya Allah, il a dit wa izzati, et s'arrêtait là. par ta puissance, ya Allah, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs, de tenter d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur poitrine, dans leur corps. C'est-à-dire tant qu'ils seront encore en vie. Allah lui a répondu, par ma puissance et ma majesté, je ne cesserai de leur pardonner leurs péchés tant qu'ils me demanderont pardon. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'adika ma stata't abulaka bi dhanbi abulaka bi ni'matika alayya abulaka bi dhanbi faghfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir son serviteur. Il va le couvrir et le cacher. Il va dire, oh mon serviteur, n'as-tu pas commis tel et tel péché? Il dira, si, oh mon Seigneur. N'as-tu pas commis tel et tel péché? Il répondra, si, oh Seigneur. Et il ne cessera de lui passer en revue tous ses péchés. Au point, le serviteur pensera que c'est la fin pour lui et qu'il ira en enfer. À la fin de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Al-Latif, Arhamur Rahimin, Al-Shakur, dira, Satartuha laka fid dunya. Tous ces péchés, je te les ai couverts et cachés dans ce bain. Wa ana aghfiruha laka al-yawm. Udkhul al-jannah. Dans ce bain, je t'ai couvert tes péchés. Et aujourd'hui, je te les efface et je te les pardonne tous. Rentre au paradis. Fa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Voici la miséricorde d'Allah. Voici la miséricorde d'Allah. Nous devons donc, pour conclure, tous nous préparer à cet instant. Et c'est la réalité et la certitude au sujet duquel il n'y a pas de doute, mais on ne voit pas les gens s'y préparer. On ne voit pas les gens prendre leurs provisions. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. الله سبحانه وتعالى nous dans son Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcisse et beaucoup d'entre eux sont pervers. Regardez la gravité du cœur dur. Regardez la gravité de Toulul Amel. Regardez la gravité de ne pas se rappeler la mort, le délaissement des actions. Agissez aux serviteurs d'Allah avant qu'il soit trop tard. Ce bas monde ne représente rien. Ce bas monde, vous allez vous en séparer. I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwal wal awlad kamathal ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuh ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين ونعوذ بك من سوء الخاتمة كما نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إنك أنت أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Il y a une personne qui voulait entrer dans l'islam, est-ce qu'elle est présente? طيب, on verra au Maghreb, inshallah ta'ala. Jazakumullahu khayran.